quelle est un peu votre lecture de ce qui se passe dans cette partie du continent africain? Quand vous parlez de l'Union africaine, qui paie les salaires de l'Union africaine? Je voudrais vous retourner la question, président Ceux Badakadi. qui paient les salaires de l'Union africaine sont les acteurs majeurs de la crise en RDC, dans les Grands Lacs. Autrement dit, Faut oublier l'Union africaine. Ça ne sert à rien. Vous parlez de la sous-région. De quelle sous-région? Il vous a parlé de la volonté du nouveau président kenyan, qui est plus engagé, qui dit qu'il est prêt à mettre un contingent avec Tshisekedi. Alors, Tshisekedi vous dit lui-même que les voies diplomatiques ont échoué, il déclare la guerre. Il a dit il y a quelque chose, ça finit. Il a dit ça. Alors, quand il dit quoi? Au départ, il était très chaud pour privilégier. Il a cru à l'action sous-régionale. Il croyait à l'action sous-régionale. Il pense beaucoup plus du côté de la SADC ou le SADC. Il croyait beaucoup à ça. Mais il constate qu'il n'y a rien. Ça ne marche pas. Il n'y a rien. Il dit qu'il déclare la guerre au Rwanda. Et il va donc essayer de nouer les alliances directement, le Burundi, machin, comme ça. Ce qui est une honte en soi. C'est-à-dire, la RDC a besoin d'alliances pour faire la guerre au Rwanda. C'est ça qui démontre que la situation de ce pays, la RDC. On ne comprend rien à ce qui se passe. Ils ont dit, nos prédécesseurs ont dit, ont planté le décor. Hein. Ils ont Tout à tout fait. planté. Lui, Michel vient d'inscrire ça dans l'histoire. Il ne faut pas seulement remonter aux deux premières guerres du Congo. C'est-à-dire la guerre liée à la chute du maréchal Mobutu et la deuxième guerre, n'est-ce pas, qui est liée au fait que Kabila change d'alliance avec ceux qui l'ont amené au pouvoir. Kabila perd, hein. Il va changer d'alliance, ça va déboucher sur la deuxième guerre du Congo, c'est pas qu'on va qualifier de guerre mondiale africaine. Tout à l'heure, Bertrand l'a dit, je crois. Bien, c'est Luc Michel qui l'a dit. Il faut aller au-delà pour comprendre les enjeux de cette affaire. Et vous allez comprendre même qui est Tshisekedi. En comprenant, en étudiant, je ne crois pas au délit de patronyme, hein, je ne crois pas à ça. Mais quand vous étudiez l'action du père de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, le père Tshisekedi, et quand vous voyez la fascination que Tshisekedi voit son père, vous allez monter très loin, vous allez arriver à Lumumba. Vous arrivez à Lumumba, vous allez comprendre le drame de ce pays, pourquoi Lumumba est mort et les qui l'ont tué ont fait disparaître son corps dans l'acide. Ils sont venus faire les affaires de haute sorcellerie en apportant une dent, soi-disant que c'est la dent De Lumumba. de Lumumba, et que les enfants biologiques de Lumumba ont joué le jeu, et Tshisekedi a joué le jeu. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous allez remonter très loin. La RDC n'appartient pas aux Congolais. C'est-à-dire, il faut commencer par là. La RDC, le Congo, n'appartient pas aux Congolais. Lumumba est mort pour ça. C'est pour ça que Lumumba est mort. Lumumba a violé la loi fondamentale qui explique l'existence du Congo devenu RDC. Cette loi fondamentale, c'est quoi? Elle a été élaborée à la conférence de Berlin. Vous savez que la conférence de Berlin, qui se partage le monde à l'époque, mais la conférence est convoquée pour qui? D'abord pour le Congo. L'enjeu de la conférence de Berlin, c'est le Congo. Vous voyez donc une bonne partie de la géopolitique occidentale tourne autour du Congo RDC. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un jeu. Cette loi-là était quoi? Il y a un criminel qu'on appelle Léopold II. Un voyou, un criminel. Il faudrait le juger même mort. C'est-à-dire qu'il va être le premier mort qu'on va juger quand les temps viendront. Léopold II. Qui a dit que le pays-là lui appartient? Le Congo n'a pas été indépendant avec Lumumba, attention. Il a eu deux indépendances, ce pays-là. La première indépendance du Congo, c'est Léopold II qui crée une association. Est-elle libre du Congo? Non, là, c'est l'association internationale du Congo. Écoutez bien. Et il réussit à obtenir que cette association fait du Congo un pays indépendant. Ça veut dire quoi? Le pays est indépendant pas parce que c'est un pays qui est indépendant par lui-même. C'est que il est indépendant pour appartenir à Léopold II. C'est sa chose. Mais il se rend compte que le pays là est très grand pour lui et que ça va lui créer des problèmes. Faut qu'il partage ça. il va avoir le partage de la RDC, Congo, les Américains vont entrer en scène. Donc, on connaît ce qu'il a fait, Léopold II, couper les mains, ils se sont repartis l'affaire avec des multinationales américaines, tout ça. Et il y a d'abord eu les compagnies, les fameuses compagnies coloniales, n'est-ce pas, belgo-américaines, après les Américains sont entrés en puissance, ils se sont repartis le Congo dans des réunions secrètes qui sont scellées aujourd'hui dans des hauts lieux mondiaux. Donc, le principe est celui-ci. Le chef de la RDC appartient à un groupe de pays dirigé par les États-Unis. Nous savons très bien que la Belgique, c'est une colonie américaine. Puisqu'aujourd'hui, c'est une colonie américaine. Il n'y a pas de débat là-dessus. La Belgique. Oui, c'est une colonie américaine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les diamants, les richesses extraordinaires de ces pays ont été pillés et ont justifié l'avènement de puissantes multinationales. Américaines, certaines européennes, mais principalement américaines, européennes, surtout la famille royale belge qui continue, ce pillage-là. Et la RDC aujourd'hui, quand on parle de l'économie des matières premières dans le monde, occupe une position charnière. Le pays est reparti entre multinationales, j'ai dit américaines et européennes, se sont partagés le Congo. Les grands marchés financiers en dépendent, parce que les marchés financiers ne sont rien sans les matières premières. Attention, on fixe les prix des matières premières et on commence à faire la spéculation d'un niveau. On fait la spéculation, on bloque même les prix, on fait la spéculation et les marchés s'enrichissent. Donc ces marchés financiers n'ont pas de sens s'ils ne sont pas sûrs qu'ils contrôlent les matières premières. Donc, ces groupes-là, on les connaît, on peut les citer. Le pacte qui lie ces groupes est celui-ci. C'est que jamais de la vie, les Congolais ne doivent pas se mêler. Ils ne doivent pas se mêler de ce deal-là. Ce n'est pas leur pays. On tolère qu'ils habitent là-bas. On peut même tolérer qu'ils s'appellent Congolais. On peut les laisser fantasmer que c'est leur pays. Mais le jour où ils tentent de traduire ça dans la réalité, on déclare la guerre au Congo. Et à ce moment-là, vous allez voir les vœux de demi sortir. Le jour où le Congo, les Congolais vont s'organiser et pour s'élever à ce niveau, ils ont commencé avec Lumumba, après il est mort, Kabila fils a essayé de reprendre. Vous avez toute la pression qu'il a eue pour que c'est le pouvoir. Qui lui faisait pression. Ouvrez les oreilles, vous allez voir. Et vous allez comprendre. L'église catholique, c'est pas un hasard. Pourquoi le Vatican est si impliqué dans l'affaire du Congo? Oh, pour organiser les marches et de faire de l'église l'état-major des partis dits d'opposition. Posez-vous la question, pourquoi? Et quel est le rôle que joue le clergé belge dans ça, dans cette géopolitique? Vous allez comprendre ce que je tente de vous dire. Les Américains, qui mettaient le feu sur Kabila? Les Américains. Quand on dit Américains, c'est qui? Les multinationales américaines. Qui mettent le feu? Donc, chaque fois que les Congolais vont essayer de s'élever, à un certain niveau de conscience, on brûle ce pays-là, on lui met la guerre. On lui fait la guerre. C'est ce qui se passe. Ben, c'est clair, nettement. Ils sont allés même jusqu'à venir dire, les Américains ont dit qu'il faut soudaniser la RDC. Ils l'ont dit, et c'était le projet que Sarkozy a repris, pour le compte de ses patrons américains, Sarkozy. Il dit que non, il faut soudaniser la RDC. La géopolitique des grands lacs de la France s'inscrit dans cette dynamique d'avoir leur part, de faire pression pour avoir sa part. Donc, comme c'est une soudanisation larvée de fait, il faut que la France ait sa part. Quitte, n'est-ce pas, à avoir une base arrière au Rwanda, c'était la politique là-bas à Biarimana, pour avoir sa part. C'était aussi la politique avec le soutien à Mobutu, à un moment donné, pour essayer d'avoir sa part. Mais Ça se fait dans le cadre général que le Congo n'appartient pas aux Congolais. Ils ne sont pas concernés par le destin de leur pays. C'est une réserve de matières premières gigantesque. C'est une réserve de richesses extraordinaires dont le sort est déterminé dans des places financières et les bourses mondiales, les bourses de matières premières, c'est là où on décide le sort du Congo. Il est interdit à un Congolais d'y mettre le nez. Et celui qui veut diriger la Congo, s'il veut être tranquille, il doit signer ça avant de devenir président. Il doit signer ce deal avant de devenir président. J'y arrive à cette affaire. Il doit signer ce deal-là avant d'être président. Donc, ça part de là. Tout ce qu'on raconte là, si on ne met pas ça sur la table, on est hors du sujet. Pour ça, on est hors sujet. Ça part de là. Et je dis, c'est ça qui a conduit à la mort de Lumumba quand il a revendiqué la vraie indépendance. Et qui l'a lâché, et qui l'a enlevé. Vous n'avez pas vu que c'était un complot mondial? L'ONU était dans le coup. Alliance des Américains, des Belges, des Européens, l'Église catholique, l'ONU, tout ce... C'est ce plan-là qu'il y a eu. Et ils ont trouvé peut-être qu'il est communiste. Lumumba n'était pas un communiste en tant que tel. Ce n'était pas une affaire de communiste en tant que tel. Lumumba est nationaliste, mais de manière fondamentale. C'est un nationaliste. C'est nationaliste. Donc, qu'il utilise le langage marxiste pour un moment donné. C'était un peu la mode à l'époque. Mais il était d'abord nationaliste, Lumumba. Lumumba a d'abord été un évolué. Hein. C'est quoi? Qui décédait de cette occasion d'évolution? D'évoluer. C'était pas les Russes, c'était les Belges et les Occidentaux. Lumumba, il a bien passé son certificat d'évoluer. À l'époque, il ne dérangeait pas. Hein? Il ne dérangeait pas à l'époque. Hein? Il savait danser, parler comme eux. Allez voir son histoire. Mais c'était un patriote nationaliste. Il a dit le Congo, c'est pour les Congolais. C'est un complot mondial organisé par l'ONU. Les Américains, les Belges, les catholiques sont donnés la main pour finir avec lui. Il y a eu l'union des services secrets occidentaux. Le service secret américain, la CIA, le service secret anglais, même le service secret juif, tous se sont mélangés dedans. Vatican, ils se sont donné la main pour finir Lumumba. En inventant une sécession, Katanga, sécession, Moïse Tshombe, qu'on a mis devant. Le paravent qu'on a mis devant. Toujours le détachement, vous voyez, toujours, chaque fois. Il y aura une menace sioniste. On va mettre en avant la menace de démembrement du pays. Qui sera toujours adossé sur un pays. Évidemment, un pays, un voisin. Qui va jouer le jeu? Allez. Qui va jouer le jeu? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Tshisekedi est arrivé au pouvoir comment? Avant qu'il ne soit... Avant que le président Kabila ne fasse l'alliance avec lui. Parce que Kabila subit une pression. À l'époque, on est ici, sur le plateau ici. Tout le monde voyait la guerre venir en aide. C'était la guerre. Une guerre qui allait ruiner tous les efforts, qui allait ramener le pays 50 ans, 100 ans en arrière. Et ceux qui voulaient la guerre, les catholiques, les mêmes champs, les mêmes réseaux américains, les Belges, tout ça était à fond dedans, y compris la France. Même si la France avait son candidat. Mais ils étaient tous d'accord. Mon candidat, c'est pour moi, ma part. Le voyou qu'on connaît, je ne vais pas citer son nom ici. Ça lui fait trop d'honneur. Donc, chacun, c'est-à-dire mais ils étaient unis que Kabila doit partir, quitte à ce qu'il y ait la guerre, que la guerre explose. L'enjeu était tel que toute la sous-région, tout le monde voyait que si la RDC explose, c'est toute la sous-région qui atteint l'Afrique. Toute l'Afrique noire, c'est foutu. D'accord. On se rappelle les batailles qu'on a menées ici. C'est pas vrai. Kabila a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Il a réfléchi. Il a tendu la main à ce type-là qui est là aujourd'hui. Qui auparavant marchait avec qui? À son père, non? Qui avait son père? Non, le fils. Celui-ci là, il était avant avec les Katumbi. Oui. Il était avant avec les Katumbi, les Fayou. Lui, il avait le bande de mercenaires. Les Bemba. Ils marchaient ensemble. Vous savez qui était le parrain local? Paul Kagame. Le monsieur vous a rappelé ça. Il faisait les réunions au Rwanda, ça se dit, et promettait à Kabila que tu vas voir ce que tu cherches. Il se réunissait à Kigali. Il y a les documents. Il y a les vidéos, il y a tout. Parce que leur patron, c'était la consigne à donner. Quand Kabila se rend compte qu'entre eux, il y a des contradictions, il dit, ok, on peut s'entendre avec ce type pour l'honneur de ce pays. On fait un pacte. C'est comme ça que ce monsieur arrive au pouvoir. Il y a un pacte. Moi, je suis allé en RDC. Tout à l'heure, vous rappelez ça. Nous sommes allés faire la campagne de ce pacte. Expliquer. Moi, j'ai fait des émissions à la télévision nationale de la RDC, à la radio nationale, à la RDC, où j'expliquais ça. Que le malheur de votre pays sera que ce pacte-ci explose. Et on fera tout pour que ça explose. Mais malheur à celui par qui ça va arriver. On n'a même pas fini de parler. Tu sais qu'il a fait, il a pris pour option politique de casser ce pacte-là. Et en le faisant, il disait qu'il est un grand homme politique. Qu'il est un génie. Parce qu'il est un génie qu'on n'a pas encore vu. Il faut finir avec Abla. Il faut finir cette affaire. Mais en fait, qui était derrière lui? Le Council of Foreign Relations aux États-Unis. Et le petit Macron. Vous avez oublié à l'époque comment ils se tapotaient tous les jours à l'Élysée, ils s'embrassaient, ils causaient tous les jours. Vous avez oublié les images où il a, comme ça a dit, que la France va ouvrir une école pour former les cadres de l'armée congolaise. C'est-à-dire faire la chasse à la structure militaire laissée par Kabila. Cette alliance-là aurait dû être maintenue pour le salut de ce pays. Il aurait pu apporter ses propositions sans pierre à l'édifice. D'accord. Mais cette alliance Kabila a réussi à bâtir quelque chose autour de la Russie et de la Chine. En 15 ans, a jeté les bases de la stabilité politique de ce pays. Elle dit qu'en fait, il y a un État qui prend de la force, qui prend de l'envergure. Il a démantelé tout ça. Alors nous parlons. Il y a deux rapports onusiens. Deux rapports qui... C'est-à-dire qui démontre la preuve de qu'est Kagame et à quoi ça lui sert cette affaire. L'argument Bertrand de dire que les milices, quoi, génocidaires ou tout, sont là-bas, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand on parle de miliciens, des miliciens et des moins, mais on ne vous parle pas de Bayan Moulenge, qui sont des Rwandais, Congolais, rwandophones. Mais qui sont en majorité les Tutsis? Qui les aiment? Qui sont tout le temps instrumentalisés par qui? Par qui? Kagame. Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est même pas. Le but c'est que, à la fin, à un moment donné, Kagame a dit, je peux avoir ma part de gâteau ici. Tant que j'ai à jouer le jeu de la poursuite du Grand Lac aux Occidentaux, je peux nous enrichir, créer une nouvelle race de riches. En pillant ce pays. Derrière le M23, lui, Michel a dit, c'est clair. Il y a la question des ressources de l'Est du Congo. Qui sont pillés matin, midi, soir. Et parfois le Rwanda pour se retrouver en Europe. Y compris l'or. Pourvu que on ne menace pas. La loi non décrite, la loi non publique, la loi secrète qui est à savoir que on peut tout faire pourvu que les Congolais ne se mêlent pas du deal. Que leur pays continue à être un pays étranger. Les mecs de la géopolitique occidentale, les Américains, ça les dérange quoi d'avoir un petit Africain qui joue ce jeu? Ils sont contents. Parce qu'il ne va pas aller loin. Lui veut seulement sa part. Tant qu'il ne dérange pas la répartition, la division internationale secrète du travail, de la géopolitique mondiale, qui dit que le Congo n'appartient pas aux Congolais, et même pas aux Africains, que c'est une propriété occidentale. Tant que ce n'est pas remis en cause, faire la guerre, alimenter les conflits avec le président congolais, mais c'est ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Ça fait des années que je dénonce ça ici, que j'interpelle les Africains sur Kagame, ce qu'il est en train de faire en RDC. Mais à partir du moment où tu joues le jeu des Américains, quand tu ne les déranges pas, tant que ce que tu fais là rentre dans ces jeux politiques, il peut s'engueuler aussi avec les Français. Mais il s'arrange. Il s'arrange. Et on met Louise Mouziki, quoi, Wabo là-bas, à la francophonie. Oui, j'ai des informations. Que oui, ça ne va plus entre eux, oui, machin. On m'a raconté, on m'a donné beaucoup d'informations, oui, il fait ça, ceci. Non. La politique de Kagame, les choix qu'il a fait sont clairs. Avoir sa part dans le gâteau congolais. Pourvu que les Congolais n'aient rien à voir là-dedans. On va tout vous raconter. On va même vous dire qu'avant, il y avait un royaume là. dont les frontières débordaient jusqu'en RDC, que c'était les frontières de Rwanda, ça allait au Rwanda jusqu'en RDC. On va justifier ça par les choses comme ça. Mais quand le royaume là vivait, quand le royaume là existait, c'était de vendre les terres là aux Blancs. Assurément, non. Mais à quoi ça a dû convoquer alors le royaume là? Si, à la fin, c'est que on ne dérange pas la géopolitique secrète, la loi secrète qui fait que la RDC n'appartient pas aux Congolais. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, dans cette affaire, nous sommes du côté du Congo, de la RDC. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit qu'il veut faire la guerre. Qu'il la fasse, il peut gagner, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut se tenir avec un type comme ça? Nous dénonçons Kagame. On le fait depuis. On a été un des rares à être constant dans cette dénonciation. On ne change pas. Nous le dénonçons, Kagame. Parce qu'il est dangereux. Ce genre de politique en Afrique ne conduit à aucun progrès. Le Rwanda peut me raconter que le Rwanda a fait des progrès économiques. C'est un modèle. Il est modèle de quoi? C'est le modèle de quoi? Le modèle du vol. Oui, le vol, le pillage. C'est des miracles ivoiriens gagnés. Être un bras armé de l'Occident pour détruire la RDC. Dont le progrès, l'émancipation, va profiter à tout le continent africain. Donc, Kagame peut être pour nous un modèle. C'est pas ce genre de modèle que nous on veut en Afrique. J'ai dit aujourd'hui que Kagame est peut-être, il est même plus riche que le Rwanda. Ça lui vient d'où? Du pillage de la RDC. Du pillage de la RDC. Donc, je ne sais pas si M. Tshisekedi va réussir à faire l'union sacrée autour de lui. Mais les Africains doivent se mobiliser parce que on ne peut pas continuer à laisser la RDC dans un tel état. D'accord. Il n'y aura pas de libération géopolitique en Afrique si les Africains ne libèrent pas la RDC. C'est ça le panafricanisme. D'accord. Vous aurez le temps pour conclure. Si, je conclue oui. Cette partie. D'accord, allez-y. C'est-à-dire que l'enjeu de la RDC, c'est un enjeu qui dépasse la RDC. Ce n'est pas le problème des Congolais, c'est le problème de toute l'Afrique. Si les Africains sont un jour, ont été un jour intelligents, s'ils considèrent qu'ils sont intelligents, il ne faut pas seulement ressasser le grand passé qu'on a eu. Non, ça ne veut rien dire. Si on considère qu'on est intelligent, qu'on est des hommes sur cette terre, il faut qu'on comprenne que la question de la RDC, ce n'est pas l'affaire des Congolais, c'est l'affaire africaine. De tous les Africains qui doivent s'organiser pour faire de la cause de la RDC la cause commune de toute l'Afrique. Je sais qu'il y a des dynamiques secrètes qui travaillent. Je sais. Mais il faut que ces dynamiques-là, comment on disait ça, soient opérationnelles, réellement opérationnelles, et soient à la hauteur, n'est-ce pas, du défi que représente la RDC, le défi qu'il y a devant nous. Il faut que ça soit à la hauteur. Pour l'instant, je suis désolé, Tshisekedi n'a ni la carrure, ni la capacité de formuler un projet à ce niveau. Il ne comprend pas ce qu'on appelle la RDC, ce projet politique. Ce n'est pas son niveau. Même s'il veut, c'est pas son niveau. Il ne comprend pas. Parce qu'il avait compris, il aurait maintenu l'alliance avec Kabila et bâti même d'autres alliances encore. C'est ça. Même avec ce Kamiri. Mais il court, pour faire de son père le héros, un héros national. Il se bat pour faire de son père un héros national. Quelqu'un qui a dit qu'on a attrapé le crapaud. Désignant qui? Lumumba, crapaud. C'est ce qu'il dit, père a dit qu'on a attrapé le crapaud. Il travaillait pour qui? Pour les Belges d'Occidentaux. Son fils veut faire de lui un héros national en RDC. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, en RDC. Ce qui démontre quelle est son orientation à lui. Quel est son niveau. Vraiment, je suis désolé. Ce type, il n'est pas à la hauteur de la RDC. On va faire tout ce qu'on veut pour comprendre. Il n'est pas à la hauteur de la RDC. On a compris. Mais il faut que tous les Africains se mobilise pour cette cause et qu'on marginalise celui qui se prend pour le Moïse des Grands Lacs. Il dit qu'il est, il est grand de taille. Il a un bâton. Il dit dans la mythologie, tout ci de M. Kagame, il est Moïse. Il dit, et c'est pas un jeu. Hein. Il est dans leur culture là. Il est dans le Moïse là, le Moïse noir. Il marche avec un bâton. Il dit, les gens sont dans des configurations comme ça. Des configurations étranges. Complètement étrangère au problème qui est réel. Où est la différence entre un Tutsi, un Tutsi, un Hutu et un Congo? C'est quoi? Ce sont les Africains. Et on se met ensemble. On se met ensemble pour affronter, pour libérer la RDC et que tout le monde en profite. Bertrand, je vois que tu n'es pas là. Bertrand a parlé de politique tout à l'heure, le politicien. C'est-à-dire quelqu'un qui va incarner la compréhension de ces enjeux. Quelqu'un qui comprend que ce n'est pas seulement une affaire. Quand on dit les grands lacs, il faut que les grands lacs soient d'abord sous le contrôle des Africains. Et après, on s'assoit, on fait la politique, on deal. Les Blancs savent dealer, non? Entre eux, non. Ils n'ont pas dealé à la conférence de Berlin. 84, 85. Ils n'ont pas dealé. Et pourquoi pas les Africains? Pourquoi nous, on peut non pas dealer, voilà. Pas pour s'entendre. Libérer la RDC. Et après, on s'assoit pour voir comment est-ce que cette libération va profiter, n'est-ce pas, à tout le monde. Mais tu sais que dit, oh là là, oubliez-le, il n'est pas l'auteur d'un pareil. C'est trop compliqué pour lui. D'accord. Et pareil pour... Les Occidentaux. Pour Kagame. Pour Kagame. Comme on a dit, qui est un simple agent du mondialisme international. D'accord. Afrique Média, le monde, c'est nous.